En cette période de l'année, vous pensez certainement à vos REER et il est très important de préparer votre retraite. Cette année pour vos REER, contactez Monsieur Jacqueline Doucet, conseiller en sécurité financière, planificateur financier auprès du service financier Jacqueline Doucet et représentant en épargne collective rattaché à Mika Capital, dont les bureaux sont situés au 1230 boulevard Wahlberg à Dolbeau-Mistassini. Les placements, c'est du sérieux. Vous devez toujours faire affaire avec les gens qui connaissent le milieu et qui sont des spécialistes dans le domaine. Monsieur Jacqueline Doucet vous donnera de judicieux conseils pour que vous profitiez de bons placements. N'attendez pas à la dernière minute. Contactez M. Jacqueline Doucet au 418-276-6170. 276-6170. On va parler de pêche blanche. On va parler, évidemment, il y a une nouveauté cette année. C'est que la municipalité de Saint-Eugène a décidé de lancer un projet de pêche blanche. Où s'en est rendu le projet? Où ça a commencé? On parle avec le maire de Saint-Eugène, Michel Villeneuve. Bon après-midi, M. Villeneuve. Bonjour. M. Villeneuve, d'abord, projet de la pêche blanche. Est-ce qu'on peut dire au début, cette année, c'est un projet embryonnaire et puis ça va vraiment prendre son envol l'an prochain? Oui, c'est pas mal ça. Ça devrait grossir. On veut que ça grossisse. Là, on a déjà 5-6 cabanes. Ça commence comme ça. Là, puis ça devrait continuer à grossir l'an prochain. Puis c'est ça qu'on veut. OK. Comment ça a commencé l'idée? Ça a commencé, c'est des gens qui ont commencé à me demander pour avoir le droit de pêcher. Fait que j'ai dit oui, on va m'occuper de ça. J'avais demandé ça au ministère, mais ça a pris un bout avant que ça débloque. Là. Mais cette année, on a eu le droit, fait que là, c'est décollé. Là. OK, OK. Puis les cabanes, c'est à quel endroit? C'est en arrière, le long du village, pas loin du pont. Là. C'est entre les deux ponts qu'on a le droit de pêcher. OK. Puis cette année, comment ça a commencé? Vous êtes parti où? Puis est-ce que vous avez eu beaucoup de visiteurs cette année? Ou bien c'est, comme on l'a dit en début d'entrevue, c'est embryonnaire? Ouais, c'est embryonnaire, ça commence, là, mais il y a des fins de semaine. La fin de semaine, pas en fin de semaine, si tu faisais froid, mais l'autre fin de semaine, il y a eu beaucoup de monde. OK. Puis ça vient de où? C'est de Saint-Eugène, tout simplement? Non, pas juste Saint-Eugène. Il y a du monde de partout qui se promène en motoneige. Avec la trêve de motoneige qui vient, là, il passe beaucoup de monde. OK. Puis pour vous, ben j'imagine aussi que c'est des retombées aussi. C'était ça le but. Puis c'est des retombées pour le dépanneur, puis pour le restaurant, puis faire visiter notre village en même temps. OK. Puis il n'a que ça lui tente de venir rester à Saint-Eugène, demeurer à Saint-Eugène. C'est ça qu'on veut. OK, OK. Dites-moi, quelle sorte de poissons qu'on peut pêcher là? Principalement du brochet puis de la lof, puis il y a de la corégone aussi, mais en tout cas, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont empoigner. Mais... OK. Puis jusqu'à maintenant, est-ce que la pêche a été quand même potable, ceux qui l'ont pêché? Il y en a qui l'ont pêché, mais je ne peux pas dire exactement comment est-ce qu'il y en a, là, mais en tout cas. OK, OK. Là, l'an prochain, ce que vous faites, donc, ça va monter pas mal? J'espère que ça va monter. Il faut que ça monte, parce que c'est une chose... on est à côté de Dolbeau, hein. Il y en a que sur le lac Saint-Jean qui sont à 5-6 kilomètres, là, qui font en motoneige pour aller mener le cabane. Ici, ils débarquent du village, puis ils sont rendus direct de là. On est à 15 kilomètres de Dolbeau, là. Ben oui, c'est sûr. Dites-moi, est-ce que ça a été développé par le privé? Ou bien, c'est carrément la municipalité. Comment vous avez obtenu vos fonds? Ben, c'est développé par la municipalité. C'est la municipalité qui a fait la trail pour le chemin pour y aller, pour débarquer les cabanes. Puis, c'est gratis pour ceux qui mettent des cabanes. C'est qu'ils font ce qu'ils veulent. Dans le fond, s'ils veulent s'amuser là toute la fin de semaine. OK. Donc, c'est un projet qui, évidemment, qui est intéressant pour vous aussi, là. Ben oui, c'est pour les retombées, là. OK. Dites-moi, est-ce que il va y avoir, est-ce qu'on pense suite à ça faire un genre de festival pour l'an prochain? Probablement que ça va venir avec un festival de pêche. Là. OK, un peu comme à l'image de ce qui se passe un peu partout sur le lac. OK, effectivement. Ça va pourquoi pareil pour ça là? La petite rivière et puis ainsi de suite en plein village. Ben oui, on a un beau petit village. C'est un des plus beaux villages du coin. Ben. Avec notre rivière qui passe, puis notre parc. On pense qu'on est dans le game. Ben oui. Ben, M. Villeneuve, un gros merci. On va s'en reparler, puis on va suivre ça de près. OK, merci. Michel Villeneuve, le maire de Saint-Eustache.